Nyang. Nous sommes samedi 19 septembre. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Visite ce samedi du président burundais Evariste Ndayishimiye à Kigoma en Tanzanie. Il a été reçu par son homologue John Pombe Magufuli. La redynamisation du commerce à Londres, des échanges. Une centaine de visites de victimes des inondations de Winherekwa et Nyabagere qui venaient de passer 9 mois dans un site de Winherekwa ont quitté ce site ce samedi, facilité par le ministère burundais de la solidarité. Les membres des syndicats devront désormais signer eux-mêmes l'engagement de toute retenue à la source, déclare la ministre de la fonction publique. C'était jeudi à l'hémicycle de Kigobe. La mise en onde est assurée par François Kimana. Rebonjour et bienvenue. Page politique pour débuter cette édition. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a effectué ce samedi sa première visite à l'étranger depuis son investiture. Il a visité la Tanzanie. Le président Evariste Ndayishimiye a été accueilli dans la ville de Kigoma par son homologue tanzanien John Pombe Magufuli. Dans son allocution, le président tanzanien a indiqué que le commerce entre le Burundi et la Tanzanie est passé de plus de 100 milliards depuis 2006 jusqu'à plus de 200 milliards cette année 2020. Le président John Pombe Magufuli a précisé également que l'agence tanzanienne d'investissement a appuyé ses projets en provenance du Burundi. Cette année, de son côté, le président de la République du Burundi a fait savoir qu'il a décidé d'effectuer sa première visite officielle en Tanzanie du fait que la Tanzanie a contribué dans le processus de paix au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a profité de cette occasion pour demander aux réfugiés se trouvant sur le sol tanzanien de regagner le pays car la paix et la sécurité règnent au Burundi. Poursuivons cette édition. Le ministère des infrastructures, équipements et logements sociaux envisage réhabiliter les routes endommagées en mairie de Bujumbura ainsi qu'à l'intérieur du pays. Le porte-parole de ce ministère, Jeanne Mukenguruka, le dit après les plaintes faisant état d'une jonction de la route Buchonyori endommagée. Elle précise qu'il y a d'autres routes en cours de réhabilitation, notamment celle de la zone urbaine de Kanyosha. Suivez. Les lits de pousse pour pouvoir ces différentes routes de la mairie de Bujumbura ont été réparées, d'autres sont en cours de réparation. Ici, je citerai la route menant vers la cathédrale de Regina Mundi, la route menant vers la gare du Nord. Les lits de pousse pour pouvoir ces routes ont été réparées. Et pour le moment, nous sommes sur la route menant vers Kanyosha. Les lits de pousse pour pouvoir ces routes sont en cours de réparation. Ici, je signalerai que d'autres routes de la mairie de Bujumbura ne sont pas oubliées, notamment la jonction Buchonyori. On y va étape par étape. Parce qu'on ne peut pas faire tous les travaux en même temps. On va y aller étape par étape en fonction du budget disponible. Nous voulons que toutes les routes soient vraiment réparées. Mais on commence par les routes qui sont à mauvais état. J'appelle la population burundaise à bien entretenir les routes, notamment à ne pas jeter les autres dans la route. Jeanne Mukenguruka, porte-parole du ministère burundais des infrastructures, équipements et logements, au téléphone avec Ornella Mucho. Et vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Puisqu'on parle d'infrastructures, les responsables des communes Mutumba et Nyabikele de la province de Karusi s'inquiètent de l'effondrement depuis avril 2020 du pont Nyakigezi sur la rivière séparant les deux communes et disent que cela paralyse le trafic dans cette localité. Ils affirment que les travaux de réhabilitation de ce pont dépassent de loin leurs limites financières. Et signalent qu'ils ont demandé secours à l'agence routière du Burundi. Ces autorités disent être désespérées, surtout que la saison pluvieuse approche le point avec Blaise Pascal Kararumi. Le pont sur la rivière Nyakigezi, séparant les communes de Mutumba et Nyabikele de la province Karusi, et entre les collines de Sagara de la commune Mutumba et la colline et zone Gatonde de la commune Nyabikele. Les responsables de ces deux collines indiquaient que ce pont a été détruit par des pluies diluviennes du mois d'avril passé, emportant les gabions de pierre qui soutenaient ce pont et qui s'est par suite effondré. Ces autorités administratives à la base expliquent que l'effondrement démantèlement de ce pont a fait suspendre les relations entre les populations de ces deux communes et le trafic commercial entre les populations de ces communes d'une part, mais aussi avec la province de Gitega d'autre part. Les responsables de l'administration de la commune Mutumba disent être beaucoup plus touchés en expliquant que la plupart des marchandises, que ce soit celles des boutiques, les produits vivriers et les produits de la Brarudi sont échangés avec Gitega. Il signale que les marchandises sont actuellement chères car elles transitent par le centre car aussi, faisant ainsi un contour. Le conseil technique de l'administrateur et chargé du développement de la commune Mutumba précise que les études faites sur ce pont ont montré que la réhabilitation de ce pont de la rivière Nyakigezi demande des moyens dépassant de louer la capacité de ces deux communes et que de là, ils ont demandé secours à la Direction générale des routes et en particulier à l'Office national des routes. Onesphore Sabimbona dit espérer que les travaux pourront commencer avant l'arrivée des pluies qui pourraient entraîner d'autres dégâts. Il fait savoir que les agents de l'Office des routes sont arrivés voir ce pont. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Certains présidents des syndicats utilisent les cotisations des membres à leur guise. La ministre de la fonction publique l'a dit jeudi de cette semaine à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du projet portant révision du Code du travail burundais. La ministre Domine Banyankimbona explique que son ministère ne touchera pas sur le salaire des membres des syndicats que lorsqu'ils auront écrit et affirmé les retenues à la source sur leur salaire. On l'écoute, traduite en français par Marie-Claire Kazenez. Nous nous sommes saisis du cas. L'on a déjà remarqué qu'il y a des gens qui font des syndicats pour utiliser à leur fin les cotisations des membres. Des mesures ont été déjà prises à la fonction publique. C'est-à-dire qu'un président d'un syndicat ne pourra plus lui-même amener la liste des membres pour des retenues sur salaire, non. Le travailleur lui-même écrit une lettre et affirme sa volonté de cotiser dans un tel ou tel autre syndicat. Sinon, la fonction publique ne touchera pas à son salaire. Là aussi, nous comptons approfondir car il peut arriver que les présidents des syndicats soient malins, écrivent et signent des lettres à la place des membres. Il faut pousser plus loin pour que l'on sache si c'est réellement le syndicaliste qui l'a écrit ou son membre. C'est-à-dire que la fonction publique l'a déjà constaté, elle fera en sorte de répondre aux préoccupations des membres de syndicats. Domine Banyankimbona, ministre de la fonction publique. Certains fonctionnaires du secteur de l'éducation en commune Butezi de la province Luigi s'absentent ou sont retardataires au service. D'autres ne s'acquittent pas convenablement de leurs devoirs, ce qui fait que cette commune se classe dernière au concours national de la 9e année au niveau provincial. Ceci a été dit par la direction provinciale de l'éducation qui recommande aux enseignants et aux directeurs de s'acquitter convenablement de leurs tâches afin de pouvoir arriver à avoir de bons résultats. Côté administration en province Luigi, le conseil principal du gouvernement propose le remplacement de ceux qui ne sont pas satisfaisants dans leurs attributions. Le point avec Jean-Claude Nshimirimana depuis Luigi. Les absences et retards sont motifs valables, le dépassement du temps imparti oppose, l'enseignement de leçons non préparées et l'encadrement pédagogique qui laisse à désirer, tels sont certains des manquements constatés par Christophe Ilambona, conseiller inspecteur à la direction provinciale de Ruyigi, à certaines écoles de la commune scolaire de Ruyigi. Selon ce conseiller inspecteur, ces manquements sont à l'origine des faibles résultats observés aux écoles fondamentales de cette commune, qui s'est par conséquent classée dernière au concours national de la 9e année édition 2020 sur cette commune qui compte la province Ruyigi. En vue d'améliorer les résultats, Sylvestre Nyonzima, directeur provincial de l'éducation à Ruyigi, recommande aux directeurs, aux enseignants et aux apprenants d'être réguliers et ponctuels aux écoles. Aux directeurs et aux enseignants, il leur rappelle qu'ils doivent exécuter leurs tâches respectives après une planification préalable. Pour les directeurs, il insiste sur l'obligation de faire les visites de classe pour tous les cours et sur celle de tenir des réunions de concertation avec les enseignants, les élèves et les parents des élèves afin de pouvoir trouver solution aux problèmes éventuels avant qu'il ne soit tard. De son côté, Valérie Nkunzimana, conseiller principal du gouverneur, en plus des conseils qu'il prodigue surtout aux directeurs des écoles, il demande au directeur provincial de l'éducation de dresser une liste de ceux qui rabaissent les bons résultats atteints par les autres pour qu'ils soient remplacés par ceux qui sont capables d'aboutir à de bons résultats. Vous saurez que cela a été dit ce vendredi à l'école fondamentale de Nyakaye en commune Boutézi lors de l'ouverture solennelle de l'année scolaire au niveau provincial. Jean-Claude Nshimirimana, depuis l'école fondamentale de Nyakaye dans la province de Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana depuis l'est du Burundi. Le gouverneur de la province Cibitoke demande aux cultivateurs exploitant les rives de la rivière Rusizi dans les communes Rugombo et Buganda d'arrêter leurs activités agricoles. Dans ces localités, cette mesure a été prise pour protéger le territoire burundais puisque cette rivière continue à perdre sa place, son lit, en envahissant le Burundi. Le gouverneur de la province Cibitoke demande aux administrateurs des collectivités de Buganda et Rugombo de mettre en application cette mesure. Le point avec Alexis Ndairagidje. Les rives de la rivière Rusizi dans les communes de Buganda et Rugombo doivent être protégées. Aucune personne n'a le droit d'y cultiver. C'est la mesure du gouverneur de la province Cibitoke, Karem Bizoza. Le gouverneur Bizoza indique qu'en continuant à exploiter ces rives, la rivière Rusizi continue à prendre une grande place du côté du Burundi. Il affirme que si on va continuer à y cultiver, petit à petit une partie du territoire cultivable burundais va se retrouver du côté de la République démocratique du Congo. Les cultivateurs contactés nous ont indiqué que cette mesure va perturber leur vie familiale, puisqu'ils vivaient surtout dans ces rives, d'autant plus qu'ils produisaient dans ces propriétés du riz, de la tomate, des choux, oignons, légumes et autres. Le gouverneur de la province Cibitoke affirme que cette mesure doit être respectée tout en demandant aux administrateurs des communes Rugombo et Buganda de mettre en application cette mesure en arrêtant les activités sur les rives de la rivière Rusizi. Depuis Cibitoke, OK, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Revenons à mairie de Bujumbura, une centaine de ménages qui occupaient le site de Winhereko en zone urbaine de Gihosha et suite aux inondations survenues dans ce quartier, cela fait 9 mois, ont quitté ce site ce samedi. C'est la satisfaction pour ces personnes et la ministre de la Solidarité qui a fait le déplacement à Winhereko leur demande de bien utiliser le paquet retour trimestriel qu'ils ont reçu. Nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions de la soirée. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition à 13h09. Nous mettons un point final à cette édition. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde juste après cette édition. Vous suivez la revue de la presse avec Armel Moutore et Francine Dehokougaïo. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Au-delà de Nyarugusu, titre l'éditorialiste du journal Iwachu, pour parler d'autres camps, de réfugiés à part, ceux auxquels on pense souvent lorsque l'on évoque les pays limitrophes qui hébergent les réfugiés burundais. Rares sont ceux qui mentionnent Kavimvira, Sange, Morongwe et Lusenda. Et pourtant, fait remarquer ce confrère, ces camps et sites de transit chez notre grand voisin la RD Congo, au sud Kivu, comptent des milliers de compatriotes, réfugiés et demandeurs d'asile. Le reporter d'Iwachu, dans cette circonscription, brosse un tableau peu enviable de leurs conditions de vie. Pour notre confrère, les autorités burundaises, congolaises et l'OHCR sont appelées à remédier à cette situation. On n'a pas à attendre, c'est urgent, alerte Iwachu. Surtout qu'il y a déjà mort d'hommes à cause de la faim. L'éditorialiste du journal Iwachu rappelle les mots du président de la République, lui-même, un État responsable et laborieux ne peut jamais être tranquille si ses fils et filles vivent dans des camps de réfugiés, dans des conditions misérables, a lancé le président Évariste Ndayishimiye au cours des cérémonies de présentation du nouveau gouverneur de la province Kirundo. Et notre confrère doit conclure qu'avec ce qu'ils endurent dans ces camps, ils savent que rien ne vaut son chez-soi. Des malentendus à propos des cause de la mauvaise qualité de l'enseignement, écrit la voix de l'enseignant, qui constate que les hautes autorités politiques et scolaires du pays ne s'accordent pas avec les enseignants sur la régression du niveau des élèves. Les premiers, explique ce journal, accusent les seconds de manque d'assiduité sous prétexte qu'ils sont mal payés, les mettant en garde que s'ils ne parviennent pas à dispenser un enseignement de qualité, conformément au cahier de charges élaboré par le gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ils seront limogés. De leur côté, poursuit son confrère, les enseignants se disculpent en disant qu'ils se heurtent à plusieurs obstacles, notamment les effectifs pléthoriques dans les classes, la charge horaire trop lourde, l'insuffisance des supports pédagogiques, le non-recyclage, etc. Cet hebdomadaire de l'éducation note que pour lever ces divergences à propos des causes de dépréciation de la qualité de l'enseignement et trouver des solutions pour y remédier, les enseignants proposent la tenue des états généraux qui réuniraient tous les intervenants dans le domaine de l'éducation. Revue de la presse. Les habitants de Tcharama appellent au curage du bassin d'écrêtement de la rivière Gasenyi avant la période pluvieuse, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise qu'il s'agit particulièrement de ceux du quartier Tcharama 2, craignant d'être inondés. Selon un expert contacté sur place à Tcharama par la BP, cet ouvrage risque d'être complètement rempli dès la tombée des premières pluies et ne sera plus à mesure de réguler le débit de crue, si bien que les eaux de ruissellement chargées de produits de charriage vont entraîner la ruine de la partie du quartier Tcharama située entre les avenues Kinyami, Kibonobono et Muka, plus en aval, le quartier Buhinyuza, en causant des pertes en vies humaines, habitations et autres biens. Le non-fonctionnement du bassin d'écrêtement de la rivière Gasenyi survient au moment où le canal de la rivière Gasenyi, construit par le projet d'urgence pour la résilience des infrastructures sur financement de la Banque mondiale via la BOTIP, est lui aussi dans un état de délabrement. Que personne ne soit laissé pour compte au Burundi, s'est exclamée la présidente et représentante de l'Union des personnes handicapées du Burundi lors d'un atelier avec les médias. Notre confrère en ligne, Lanova, souligne dans ses colonnes que Madame Adélaïde Nyigina a expliqué que les moyens et techniques utilisés pour livrer ou transmettre une information ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de certaines personnes présentant des incapacités, comme les personnes sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes. Cette catégorie de personnes nécessite de disposer respectivement de la communication écrite, soit traduite en braille, ou la communication traduite en langue de signes, insiste-t-elle dans les colonnes de la Nova. La récurrence des files d'attente sur les parkings, à quand la solution, s'interroge Burundi Echo, qui constate qu'au fil des jours, le transport en commun dans la capitale économique burundaise devient de plus en plus en casse-tête. Après plusieurs heures de travail, ce sont des files d'attente intermittente, que ce soit au parking du côté nord ou celui du côté sud de la capitale Bujumbura. Notre confrère rappelle qu'en novembre 2017, le gouvernement avait validé un plan directeur de Bujumbura, Vision 2045. Dans le domaine des transports en commun, il était question d'offrir aux usagers du réseau routier un niveau satisfaisant de confort et de sécurité. Cependant, regrette cet hebdomadaire, 3 ans plus tard, on ne voit rien venir. Y aurait-il d'autres alternatives pour les prochains mois? Wait and see, suggère Burundi Echo. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Armel Mutore et Francine Ndiokubgayo. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Revue de la presse.